Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Stéphanie, un Corse comme moi, ça me fait plaisir, qui est le boss de Cosa Vostra, mais que vous connaissez peut-être déjà, même très probablement si vous aimez les podcasts, puisqu'il anime sa propre émission, Génération Do It Yourself. Alors Mathieu, c'est 50 épisodes, c'est un peu plus impressionnant que mon cinquième petit. Il y a un 5, remarque, tu me diras. C'est ça, salut Pauline. Il y a juste un 0 derrière. Alors il a évidemment interviewé Christina Cordula, Joël Dicker, Rachel Delacour ou encore Bernard Werber. Je vous invite à écouter évidemment ces podcasts. Mais aujourd'hui, il vient parler non pas de personnalités qui ont réussi, il vient pas animer une émission pour comprendre le succès des autres, non, il vient parler de son propre échec. Bonjour Tout Mathieu. À fait. Salut Pauline. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est bien résumé. Je pourrais raconter des aventures d'entreprise, c'est mon trip dans la vie. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, mon nouveau trip, c'est les aventures des autres avec Génération Do It Yourself. Et je suis ravi d'être là et de pouvoir échanger avec toi. De l'autre côté ? Ouais. Parler de mes échecs. Donc la plus grosse difficulté que tu m'as donnée, c'est de trouver lequel. Parce que je pense que c'est assez commun qu'on te réponde qu'il y a plein d'échecs. Ouais. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas un ego surdimensionné. Ma vie est jalonnée d'échecs. Et vraiment, j'ai eu du mal à trouver lequel était le plus pertinent. On s'est consacré à un échec sportif. Mais qui a déterminé finalement ta vision de l'entrepreneuriat, ta vision de la gestion, du management. C'est assez intéressant la façon dont tu vois les choses. Est-ce que tu peux me raconter, ça commence comment ? Alors écoute, j'ai joué à un sport original pendant très longtemps, j'ai dû commencer à 9 ou 10 ans, j'ai joué au hockey sur glace, donc un sport qui vient d'Amérique du Nord, qui est plutôt assez physique. Pas très commun, très engagé on va dire, et j'ai été professionnel pendant une année dans le club de Cherbourg en Normandie. On les embrasse. Exactement, un super club, mais alors à la fois il n'y a plus de patinoire à Cherbourg, c'est un gros problème, les patinoires c'est un truc qui coûte cher, donc voilà. Ça fera un autre épisode. Exactement, et donc on était donc toute une bande à être payé, c'était l'année de mon bac, de ma terminale, donc moi j'étais vraiment parmi les tout jeunes de l'équipe, avec des grosses responsabilités, parce que en hockey sur glace t'as deux défenseurs, donc quand tu défends, tu prends quand même bien des coups et était là pour empêcher un attaquant de mettre un but, comme dans tous les sports. Et ce dont on parle aujourd'hui, je crois, c'est cet épisode où mon coach, mon entraîneur, qui était aussi un joueur, un type hyper fort, un joueur émérite canadien d'origine. Tu le respectais en tant que coach ? Exactement, mais je le respecte toujours. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a été drafté en NHL, donc qui a joué sur les ligues nord-américaines. Un monstre, hein, vraiment. Et qui un jour, un lendemain de match, je crois qu'on jouait à Angers. Alors, avant, je vois très bien où tu veux en venir et je crois que tu spoiles un petit peu. Ouais. Avant ça, parlons de l'engouement dans ta ville pour ce sport-là. Vous étiez un petit peu les célébrités locales à l'époque. C'était, ouais. T'avais ouais. 18 ans en plus, c'est un côté hyper... T'as raison, ouais, surtout quand t'es en dernière année au lycée, donc t'as quand même un peu ce côté mascotte, c'était assez marrant. Et en effet, c'était le sport par excellence, le sport qui avait une couverture presse, télé. Donc il y avait tous les week-ends 1500 personnes qui étaient autour de la patinoire. C'était un vrai trip. Et puis après, on voyageait une semaine sur deux à tous les coins de la France. Et en effet, on passait toutes les semaines en couverture à l'intérieur du journal local qui s'appelle La Presse de la Manche. Est-ce qu'à l'époque, dans quel état d'esprit est-ce que tu étais ? Est-ce que tu étais ultra engagé dans ce sport-là sans rien voir autour ? Ou alors est-ce que ça te grisait un petit peu d'avoir tout ce... Non, grisé, bon... je veux dire, t'es pas Kylian Mbappé non plus. Ouais, mais t'as 18 ans, t'es à Cherbourg, et il y a ta photo dans le journal, avec les zouzes, j'imagine. Non, mais en fait, c'est tellement d'engagement, et il faut s'en rendre compte, quand t'as pas fait de sport de haut niveau, c'est 25 heures de sport par semaine. C'est vraiment un truc où le lundi midi, tu fais ce que t'appelles en entraînement un décrassage, donc t'es en surglace, mais pas forcément tout équipé, parce que t'as un gros équipement. Lundi soir, tu fais un entraînement d'une heure et demie. Mardi matin, tu fais 2 heures de muscu. Mercredi soir, tu fais 1 heure et demie d'entraînement sur glace. place. Jeudi matin, 2 heures de muscu, etc. etc. Donc, donc toute ta vie tourne autour de ton ce bac sport et du à sport. À ce moment-là. Ouais, t'as, okay. t'as vraiment, t'as que ça. J'ai que ça dans ma vie, en fait. C'est, et l'objectif, c'est de progresser, c'est d'être meilleur. Je passe mes étés à aller faire des stages ou des, donc, soit au Canada, aux États-Unis pour progresser, pour prendre de la masse aussi, parce que t'es dans des fins de croissance d'une période de teenage à adulte. Donc, tu prends du muscle, tu prends un certain nombre de choses. C'est vraiment une période, c'est assez passionnant, mais t'es coaché dans un truc par des professionnels. T'as des kinés qui te font des massages 2 fois par semaine. Enfin, c'est vraiment un truc sérieux, quoi. Donc, c'est pas. C'est quoi ton rêve à ce moment-là? Ce qui est très compliqué dans ces sports-là, c'est que tu rêves de jouer en NHL, par exemple, mais il y a peu de choses qui peuvent te faire rêver en France. C'est-à-dire que la Ligue 1, comme tu peux le voir, la Liga espagnole, pour les gens qui veulent regarder le foot, la première ligue anglaise, c'est vraiment les États-Unis et le Canada. Et du coup, arriver à faire ça, c'est un Français tous les 5 ans. Enfin, et quand tu vois que t'es... tu vois, j'étais bon, mais j'étais en Ligue 2. Même si j'étais jeune, tu te dis, c'est possible, mais c'est quand même peu probable. Donc, tu te dis quand même, à un moment, je vais pas m'engager dans une carrière dans ce sport. Okay. Donc, mon rêve à ce moment-là, il est quand même de progresser encore, de continuer idéalement. Je vois vite que 25 heures de sport par semaine... à concilier avec des études et une vie, en fait, une vie d'étudiant et de jeune homme, ouais. C'est compliqué. C'est-à-dire que avoir une copine, avoir, c'est possible, mais en fait, tu les vois pas, ou alors tu sacrifies tes études et puis donc ça, c'était pas possible. Donc donc à ce moment-là, t'es vraiment partagé entre ce sport qui te prend presque toute ta vie, ces entraînements à la suite, à la chaîne, un peu sans réfléchir, il y a ton année qui passe, tout qui passe, j'imagine, beaucoup trop vite. Parce et les que... matchs, un par un, toutes les matchs, semaines, ouais. Les déplacements, c'est tout. Quand et je la dis pression tout, aussi. Voilà, c'est ça. Tu pars le vendredi soir, un déplacement, il faut bien te rendre compte que tu pars le vendredi soir en bus, tu pars de Cherbourg, tu vas jouer à Saint-Gervais, tu vas jouer à Aix-en-Provence, tu vas jouer à Mulhouse. Tu vois strictement rien de la ville. Voilà, tu vois rien, tu pars le vendredi soir, t'arrives le samedi matin, t'as dormi dans le bus toute la nuit, tu passes la journée à l'hôtel. Tu joues le soir, tu repars juste après le match, tu rentres, tu arrives, il est dimanche 16h et ton week-end entier, donc c'est toute ta vie intégrale. Et tu ressens une grosse pression autour de ça très ou pas ? Très grosse, très grosse. C'est un des entraînements très sérieux, les retards sont sanctionnés, on est payé hein, quand même, donc on a des primes d'objectifs, des primes de match, on est payé. T'es du adulte. Coup, t'es adulte, ouais. T'es adulte, donc il y a quand même un truc où tu fais ton job et avec des mecs, enfin, mon entraîneur, le entraîneur adjoint, ils avaient Robert Chopinski, l'entraîneur adjoint, a fait des championnats du monde, des JO, un Polonais. Enfin, c'est du sérieux, quoi. Tu vois, ouais. C'est du lourd. Et alors, justement, allez, on va y aller maintenant. Il y a ce fameux jour où cette course en avant, elle s'arrête. Tu peux m'expliquer? Écoute, ouais, un jour, donc quand t'es défenseur, ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est compliqué. C'est que tu n'as pas la gloire de l'attaquant. C'est-à-dire que même quand tu es très jeune, hein, Kylian Mbappé, justement, pour prendre le sportif français par excellence du moment, c'est un type qu'on va vraiment mettre en avant parce les qu'il vidéos sur des YouTube, buts bien incroyables. Sûr, hein. C'est quelqu'un qui va sauver le match. Le défenseur, s'il réussit très bien, il empêche des buts de rentrer, donc il peut sauver le match, mais c'est normal. En revanche, s'il se foire... Contrairement à l'attaquant, on le déteste. On le déteste parce qu'il a laissé passer un but et on perd et c'est de sa faute. Et en fait, souvent un défenseur, il arrive à maturité plus tard qu'un attaquant parce que il doit encaisser tout ça psychologiquement, il doit être capable de comprendre son rôle et donc il y a un cheminement qui est un peu plus long. Et donc tu arrives souvent les bons défenseurs, je prends le foot, ça va être un Raphaël Varane, ils vont avoir 27, 28 ans, pas 18 ans quoi. Donc quand t'es très jeune, que t'arrives dans une équipe pro et que tu joues à côté de ce mec, parce qu'en l'occurrence mon binôme c'était Robert Chopinski, ce mec qui avait donc fait ses JO et ses championnats du monde, t'as quand même une certaine pression, faut pas trop te foirer. Et il y a des moments où tu te foires. En l'occurrence, ça arrive. Tu vois, c'est un sport. En face de toi, t'as des mecs. Je m'en souviens, je sais pas comment ce nom m'a popé comme ça, mais un mec qui s'appelle Philippe Bozon, qui a joué en équipe de France. On embrasse Philippe. Voilà. Et qui arrive, c'est des monstres. En plus, hein, bah, moi, je fais mon petit 1m75. Les mecs qui font 1m95, tu vois, faut les encaisser. Tu les prends sur la gueule, littéralement, quoi. T'en as conscience à ce moment-là ou pas? Ouais, oui, mais je suis assez solide. Enfin, j'étais déjà solide. C'est-à-dire que, alors, j'ai conscience physique et psychologique. Hein, c'est les deux. Mmh, mais oui, tu, comme je te disais, j'étais physiquement assez imposant parce que tu prends du poids sur la muscu et des choses. C'est assez d'ailleurs hideux, pas forcément très. Mais ouais, tu te transformes. Mais tu prends ton rôle à cœur, quoi. Donc, ouais, j'étais assez conscient de ça. J'étais assez envieux de l'attaquant, finalement, parce que tu te dis, putain, tu vois, justement, dans la presse ou le machin, le mec, il sauve le match, grâce à lui, on a gagné, grâce à lui, machin. Donc, tu sens que toi, bon, quand tu marques 2-3 buts dans l'année, c'est ton moment de gloire, si tu veux. Donc, faut quand même, t'as une grosse humilité à prendre. Au fur et à mesure, tu apprends ça, c'est te dire, ok, moi je suis un besogneux, je travaille, j'apprends, je prends pas forcément la lumière, mais au final, je progresse. Et souvent d'ailleurs, mon analyse, c'est que les défenseurs assez jeunes, on te place un peu défenseur, on te dit, tiens, tu seras défenseur, mais on t'a jamais laissé vraiment l'opportunité d'être attaquant ou quoi. Mais souvent, c'est aussi des gens qui travaillent peut-être un peu plus, qu'apprennent à se dire la résilience, c'est vraiment quelque chose d'important. Aussi jeune en plus. Assez jeune, ouais, ouais. Mais tout le monde passe par là, dans tous les sports, vraiment, il y a des gens qui doivent progresser. Moi, je faisais pas partie des gifted, j'avais pas un don pour le hockey. En revanche, au fur et à mesure, je rattrapais tous les autres au fur et à mesure des années parce que je bossais plus qu'eux. Et ça, je m'en suis rendu compte très tôt. Et ça a été pareil un peu après en parallèle dans les études et dans le business, c'est ce que j'essaie de faire. C'est apprendre, bosser comme un chien, quoi. Mais surtout apprendre, la soif d'apprendre. Au-delà de bosser comme un malade pour un truc rébarbatif, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est apprendre. Et il y a ce fameux match. Et ce fameux match, à l'extérieur, contre Angers, pas très très loin finalement, tu mets quelques heures pour y aller, et où, honnêtement, l'action, je m'en souviens vaguement, mais je dois faire une erreur que j'assume, je sais même pas si je suis vraiment trop d'accord avec ça, mais à ma grande surprise, alors que rien n'avait présagé de ça, le lendemain, dans la presse... Donc la fameuse double page chaque fois, avec les photos... Exactement, les photos, la presse de la Manche. Je lis une remarque de mon coach, qui est l'entraîneur de l'équipe, qui est un peu... C'est le patron, quoi, hein, c'est le taulier, tu vois. Et qui te dit, qui écrit, sur une erreur directe de Mathieu Stéphany, on prend un but, et voilà, qui et bam. Et bam, tu prends ça dans la gueule. Le nom, le prénom. Exactement. Ouais. Et en fait, tu te dis, mais déjà, on n'a pas perdu ce match. Donc, tu te dis, mais pourquoi, en fait ? Quel est le... Et ensuite, tu te dis, mais pourquoi il ne me l'a pas dit, en fait, directement ? Pourquoi on n'en a pas parlé tous les deux ? Pourquoi il n'est pas venu me voir à la fin du match, me dire, là, tu t'as déconné. Tu as des erreurs ou des choses que tu peux dire devant une équipe. Tu as des erreurs que tu peux dire devant... quelqu'un, entre quatre yeux, mais balancer un truc devant de la presse sur quelqu'un, non seulement c'est hyper violent, mais ça n'a que très peu d'intérêt, voire aucun en fait. Ouais, c'est très destructeur. Et puis là, c'est ton ego, c'est presque humiliant quoi, de lui dire ça. À cet âge-là, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Je crois que tu réagis de façon d'ailleurs très violente, très abrupte. Oui, l'entraînement du lundi, je vais le voir, je lui dis mais... Yo mais, ouais. Qu'est-ce que, en fait, c'est quoi le trip, quoi? Mais on s'engueule très très fort, au point que du coup, lui trouve que je manque de respect au coach, ce qui est probablement le cas, et je me retrouve un peu sanctionné à te taper. Alors, c'est très dur en plus, à ces époques, tu te tapes les déplacements, tu vas à l'autre bout de la France, et puis tu restes sur le banc, tu fais l'échauffement, tu fais les trucs, tu tapes un week-end entier. C'est la dure vie des remplaçants, hein, mais en hockey, je sais pas si tu vois, tu changes de ligne en permanence, toutes les minutes. En fait, il y a tous les cinq joueurs de glace ressortent, et il y en a cinq nouveaux qui changent. Et en fait, t'as trois lignes, et généralement, t'as la ligne 1 et 2 qui jouent beaucoup, et la ligne 3 qui joue jamais. Et moi, j'étais même pas en ligne 3, en fait. Toi, t'étais dans le placard, en fait. Dans le placard. Ouais, à côté mais, du balai. Mais balai, je venais quoi. Quand même, parce qu'ils peuvent avoir un blessé, hein, vous avez un besoin de remplaçant, etc., etc. Puis ils savaient que j'avais quand même une certaine valeur. Mais du coup, tu te tapes un ou deux mois de, ouais, on te met de côté, quoi. Et, Et donc, alors, c'est double peine, parce qu'en plus, tu te dis, attends, déjà, cette erreur, je ne sais pas si c'est injuste. Je l'aurais vraiment faite, pourquoi sortir tout ça? Et en plus, je me fais derrière défoncer sur tout ça, bah, avec des gens qui, manifestement, jouaient à ma place, étaient moins bons. Et donc, du coup, ça te fait pas mal réfléchir, si tu veux. Après, je partais, donc je suis allé m'installer à Paris, donc quelques mois plus tard. À Paris, c'est très différent. Un sac de hockey, c'est très lourd. Continuer à jouer, ça veut dire aller à la patinoire de Boulogne, de Bercy, il n'y en a pas beaucoup. Donc faire du transport, c'est très compliqué. Et puis encore une fois, ça potentiellement pouvait limiter mon intégration dans une nouvelle ville avec des nouveaux potes, etc. Oui, c'était un vrai choix, en fait. Exactement. Ouais. Et donc je pense que ça a cassé un peu cette dynamique. Mm. J'ai rejoué après un petit peu, et assez vite d'ailleurs, dans la patinoire où j'ai joué, ils ont voulu me faire rejouer en pro. Et j'ai tout de suite fui. Et ce qui est assez marrant, c'est que... Ce mec-là, il a complètement cassé la dynamique. Ouais, il a changé des trucs, mais il m'a appris beaucoup de choses sur moi et sur tout ça. Mais une des premières choses que j'ai faites, d'ailleurs, quand j'ai rejoint en hockey, ce que tu appelles en hockey loisir, et j'étais encore assez jeune, j'avais 22 ans ou quelque chose comme ça. C'était 3, 4 ans. 3 ans après, je devais avoir 20 ans, 21 ans. T'es encore un bébé. C'était plus jamais défenseur. C'est-à-dire que quand les défenseurs et les lignes changeaient, je ne rentrais pas à la place d'un défenseur. On me disait, vas-y, j'avais un blocage, mais total. C'est que moi, je veux maintenant marquer, en fait. Tu vois, je veux m'amuser. Le mec traumatisé. Et et je veux plus prendre ce truc. Et donc, ça, c'était c'est pas une des leçons que j'ai pu avoir. C'est un des effets de bord, si je puis dire, sur cet accrochage. Mais surtout, assez vite, j'ai vite réalisé que, en fait, je voulais que le capitaine, ce soit moi, ou l'entraîneur, et que je voulais pas forcément qu'on puisse... alors déjà, moi-même, me juger avec cette verticalité de la sorte, et en plus, moi-même juger ou appréhender tous les autres autour de moi de cette manière. Donc la première leçon que tu as apprise de ça, parce qu'il y en a plusieurs manifestement, ouais. La première leçon, c'est que toi, plus jamais, tu voulais plus jamais te retrouver dans une situation comme ça et avoir quelqu'un qui, au-dessus de toi, décide de ton sort. Tu avais envie de mener le lead, c'est ça, d'être exactement. Le leader. Prendre le taureau par les cornes, dans ma vie, et me dire, en fait, sur ma vie personnelle et professionnelle, je veux pas que quelqu'un puisse porter un jugement, alors qui plus est public et amplifié par un média sur moi. Alors même si finalement tu le fais, on le fait en s'exposant sur un podcast comme ça ou en faisant un certain nombre de choses comme ça, sur mon podcast Génération Do It Yourself, je veux dire, un jour il y a des gens qui diront que ce que je fais c'est de la merde et que voilà, ce sera peut-être un certain succès d'ailleurs, le jour où j'arriverai à avoir des vrais haters. Les haters, voilà. Hein, ouais. Je pense que t'arrives à un certain moment intéressant, mais en l'occurrence, peu importe, je suis maître de ce que je fais aujourd'hui. Et très vite, en fait, dans mes études, j'ai toujours voulu prendre pas mal le lead, écouter, toujours apprendre, mais être celui qui mener tes décide. Propres actions. Exactement. Tu et vois puis qu'on décide pas de ton rôle dans la société aussi, peut-être, parce que sur le terrain, finalement, pour moi, on peut faire une métaphore avec la société aussi, non? Oui, exactement. Et c'est, tu vois, je peux le pousser même en te le disant, je me rends compte. On philosophe, allez. Le nom de mon podcast, qui est Génération Do It Yourself, ouais. C'était vraiment complètement là-dedans. C'est un suivi que j'ai eu depuis ce jour-là, de ma terminale jusqu'à aujourd'hui, qui a toujours été de me dire, ok, maintenant, t'essayes quelque chose, tu choisis où tu veux aller, et puis, quand quelque chose ne te plaît plus, tu le changes. Et ce que je cherche dans mon podcast aujourd'hui, c'est exactement ça. Les gens qui ont un jour fait un choix de prendre leur vie en main, qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, ils ont tous un lien. C'est qu'ils ont cru suffisamment en eux pour se dire, ok, je suis... Je vais faire ce truc, je vais y arriver, on peut me dire ce qu'on veut, en fait, je le fais et je vais m'arracher, je vais pas arrêter jusqu'à ce que j'y arrive. Et donc tous les gens que je vois ont réussi quelque chose. Ils ont réussi dans leur voie, dans leur métier, des champions olympiques, des champions du monde, des entrepreneurs qui ont vendu des boîtes en centaines de millions, etc. Et puis ça fonctionne même pour ceux qui n'ont pas accompli ça. Enfin, exactement. C'est... Mais, ouais. mais je pense qu'il y a un moment où chacun prend sa vie en main à minima, en se disant je vais faire un cours de yoga, en se disant je vais faire telle activité, je vais... Mais il y a trop de gens qui se laissent écrasés par cette forme de verticalité, de gens qui ont une emprise sur eux qui est très malsaine, en fait. Et moi, je crois fondamentalement qu'un être humain à côté d'un autre être humain, et par extension, on peut même penser aux animaux, aux végétaux, quelque part, mais c'est encore un peu l'étape d'après. Mais il y a une vraie verticalité où on ne vaut pas mieux l'un que l'autre. On ne peut pas se permettre de dire un tel a fait ça et c'est un blaireau. Tu es mauvais, c'est ouais. Toi qui as bouleversé le sort du match. Exactement. Alors que pas du tout. Exactement. Et tu peux dire à quelqu'un très clairement là, tu as déconné. T'aurais pu faire ça, je le dis de temps en temps. Mais entre quatre yeux et si t'as une définition d'un travail entre un de tes employés et toi ou un de tes collaborateurs et toi ou entre même un client et toi, c'est à différents niveaux et que tu le contrat c'est que tu dois faire ça comme ça et comme ça et que tu le fais pas comme ça et comme ça. Tu peux dire à quelqu'un, t'as pas respecté le truc, c'est pas ce qu'on s'était dit. Donc essaye de faire attention, mais t'es pas obligé de lui dire déjà devant tout le monde et t'es pas obligé de lui dire d'une manière extrêmement négative, surtout si ça n'apporte rien. Je veux dire complètement, parce qu'en plus ça casse psychologiquement. On n'a aucune envie de faire des efforts. Ça met absolument pas en valeur l'autre personne qui a pas envie de te rendre l'appareil, en fait. C'est exactement ça. Et je pense que ça, c'est des choses que tu vois tous les jours dans le travail, dans la vie quotidienne, chez d'autres. Tu t'es témoin de plein de choses comme ça. Dans une relation de couple, dans la famille, dans la manière dont tu gères tes enfants, dans plein de choses où, en fait, y a des gens qui écrasent leurs enfants comme ça, en leur disant c'est nul ce que tu fais, ou c'est pas bien, ou etc. Je vais faire à ta place, tu exactement. Sauras pas faire. Ouais. Et je pense que même les enfants méritent cette forme de verticalité. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est un papier blanc. Tu vois, ils sont vierges de savoir, donc tu dois leur apprendre et les accompagner et pas les écraser sur certaines choses de manière très verticale et autoritaire. Donc voilà, c'est peut-être la deuxième chose que tu voulais dire tout à l'heure, c'est que il y a vraiment aussi aujourd'hui cette manière de donc prendre ma vie en main d'une part et aussi ma relation avec les autres, qui est la façon dont tu manages plus, exactement dans une relation très à la fois humaine et constructive. Je peux pas dire que il peut nous arriver de nous séparer de collaborateurs. Généralement, c'est d'un commun accord. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit que les choses fonctionnent pas, on en parle une fois, deux fois, trois fois, et puis à un moment, on se dit bon, voilà. Mais encore une fois, c'est très constructif et il y a, je crois, peu de gens, probablement, il y en a, hein, mais j'ai bossé avec beaucoup de monde, mais qui te diront. Le mec est un tyran et j'ai peut-être passé à un moment, t'es plus jeune, t'as envie, j'ai monté mes premières boîtes assez jeune, donc tu te dis il faut que je gagne un peu d'autorité. Ouais, mais... et puis bien sûr, et puis je pense qu'on casse quelques œufs ouais, évidemment. Sur le chemin hein, pour faire l'omelette. Mais c'est sûr, mais aujourd'hui je vois très bien que mon approche elle est toujours très constructive, elle est toujours de transmettre cette envie d'apprendre. Alors, ce qui est d'autant plus important quand on bosse dans le digital et dans le monde dans lequel on est, qui évolue très vite. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire à ton coach maintenant, avec le recul? Comment est-ce que tu penses que tu aurais fait les choses, toi? Clairement, il faut me choper à la fin du match. Quand t'es encore chaud, quand ouais, t'es encore dans l'action, quand tu sais ce que t'as fait, quand tu vois, etc. T'aurais dû faire ça, t'aurais pu changer ça. Sachant que, tu vois, encore une fois, je sais que j'étais pas le meilleur de l'équipe. En revanche, je pense que j'étais celui qui donnait le plus. Donc en plus, il y avait de l'affect. Mais il y a aussi cette motivation. Tu peux pas casser un élément qui est complètement méga donf. Alors, j'aurais été une grosse buse, tu vois. J'aurais tout donné, vraiment. Tu vois, le pauvre le vilain canard qui bosse comme un chien qui n'y arrive pas. Bon, là, en l'occurrence, le statut que j'avais dans l'équipe, il n'était pas du tout comme ça. Donc, tu es obligé d'encourager, en fait, un mec comme ça. Tu es obligé de l'accompagner et de lui dire, écoute, ce petit truc, t'as merdé, la prochaine fois tu fais comme ça, etc. Mais tellement des choses qui se passent à une vitesse incroyable que de toute façon, à tous les niveaux, ultra professionnel, en finale de la Coupe du Monde, t'as des mecs de foot, t'as des mecs qui font des erreurs. Et dans le monde pro maintenant, toi tu fais comment pour adapter ça ? Dans le monde pro, je défends énormément le côté humain. C'est-à-dire que récemment, j'ai un client qui nous a reproché, on fait beaucoup de conseils, et qui nous a reproché quelque chose en me disant « là-dessus, vous avez fait un défaut de conseil ». Et je lui dis « non, on n'a pas du tout fait de défaut de conseil. En fait, ce truc-là n'était jamais arrivé. C'était pas clair, ni pour nous, ni pour d'autres. Et en fait, quand ça s'est présenté, il y a eu une décision d'une instance qui fait que bah, en effet, ça n'a pas marché comme on voulait. Maintenant, je l'ai appris, je l'intègre, je ne le referai plus. Mais cette occasion ne s'était jamais présentée auparavant, donc il n'y a pas eu de défaut de conseil. On est des êtres humains. Donc du coup, à un moment, bah, nous, on fait de notre mieux. Et alors ça, si, c'est toujours pareil. Je crois que s'il y a une valeur que je défends ici, c'est que les gens travaillent à fond, qu'ils sont super forts et qu'ils font de leur mieux. Ça me dérange quand les gens ne font pas de leur mieux. C'est-à-dire des gens qui viennent, qui traînent les baskets et qui bossent à l'envers. What the point, quoi. Ouais, ouais, en tout cas pas chez moi. Je veux dire après, ça me pose un problème parce que en effet, moi je suis payé dans mes métiers par des clients pour faire des choses pour eux et ma valeur ajoutée c'est de les faire bien et même pas de les faire bien, c'est de les faire exceptionnellement bien. C'est d'avoir des gens qui sont des fucking rockstars, si tu vois. Mais c'est le cas, c'est-à-dire ils sont meilleurs qu'ailleurs. Donc, comme je les vends ainsi, maintenant, là, en te le disant, si demain des gens qui nous écoutent décident de bosser avec Cosa Vostra, ils attendront et ils auront le droit d'attendre des fucking rockstars. Et donc, du coup, ben, il faut pas se comporter comme ça, comme une rockstar. Il faut pas être. Je déteste les divas. Ouais, complètement. Mais en l'occurrence. Je veux des bêtes intellectuelles, je veux des gens qui ont des idées, je veux des gens qui exécutent, qui vont vite, qui percutent, tu vois. Et je les encourage. Alors, si tu les casses alors que justement, eux... Ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, du coup, il faut toujours être derrière en support, en soutien. Moi, je suis au service de mes employés. Et encore une fois, même ce mot, mes employés, je trouve, je l'ai repris tout à l'heure, mes collaborateurs... je trouve ça un peu condescendant. Je suis là pour faire en sorte que tout roule. Mais chaque personne qui est dans ma boîte aujourd'hui, dans les différentes entreprises, parce que je suis impliqué, on en crée pas mal d'entreprises, je suis impliqué dans pas mal de choses. Chaque personne dans chaque poste est meilleure que moi à chaque endroit, mais mille fois. Enfin, je veux dire. Oui, parce que chacun son expertise. Exactement. Après tout. Ouais. Exactement. Ouais. Moi, j'ai fait des sites internet entiers tout seul. Je veux dire, ils ont fonctionné, mais alors. C'était sale. Dégueulasse, mais sale comme tu le dis. Et aujourd'hui, quand je vois mon équipe créa et que je leur demande de faire des choses, ils comprennent tout de suite. Ça va hyper vite, c'est hyper beau. Et voilà. Mais j'attends ça aussi des clients. Je veux dire, c'est pareil, les clients qui te traitent avec condescendance et qui te menacent de plein de choses et qui se croient, ben en fait, c'est pareil, j'en veux pas chez moi. Tu vois, il y a un côté aussi où aujourd'hui, la vie... Je veux pas faire de la, tu vois, c'est pas la vie peut être belle en fait. Et pourquoi s'emmerder avec des gens qui te la rendent moche, tout simplement. Je trouve que c'est une bonne conclusion, ça, Mathieu, non? J'ai l'impression, en plus de ça, quand je vois ta team ici, et puis la façon dont t'en parles, que t'es devenu coach, finalement. Je sais pas si chouette. Le coach, ah, en tout moi, cas. Je crois, je crois qu'il y a un petit aspect coach. Mais donc, j'aime accompagner. Le Mathieu de 18 ans serait content, j'imagine. Je sais pas. c'est une question que j'aurais bien aimé lui poser, on verra. Peut-être un jour. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Pauline. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, à lui mettre 5 étoiles, à me mettre un petit commentaire, même un mail, un message sur Instagram, sur Facebook. Ça me fait toujours ultra plaisir et je réponds à chaque fois, évidemment. À bientôt.